Imaginez la scène. Le général de Gaulle est assis à son bureau au premier étage de l'Élysée. L'huissier à chaîne introduit un visiteur. L'homme a une soixantaine d'années. Plutôt corpulent, il est néanmoins tiré à quatre épingles. Il s'avance vers le bureau élyséen. Il ne semble pas très à l'aise. Quelques jours plus tôt, il était encore ambassadeur de France à Moscou. L'un des postes les plus prestigieux du Quai d'Orsay, un poste qu'il occupait depuis 8 ans, une sorte de record. Le général est en train d'écrire. Il n'a pas encore levé la tête. L'ambassadeur est maintenant devant le bureau. Il connaît bien le général qu'il a autrefois rejoint en 1941 à Londres. C'est donc un gaulliste historique, un compagnon de longue date. Et pourtant, à ce moment-là, il n'en mène pas large, je vous assure. Et il reste debout devant De Gaulle, comme un élève au piquet. Mais soudain, le général pose son stylo. Il lève la tête, dévisage l'ambassadeur, et il tonne. Alors De Gaulle, on couche ? Tout est dit, enfin, presque tout. Maurice De Gaulle n'essaie pas de s'expliquer ou de se défendre. C'est vrai, il a couché. Lui, ambassadeur de France, vétéran dans la carrière, s'est fait piéger comme le premier jeune diplomate venu par une jeune et jolie soviétique. Et, si je puis ajouter, le pire, c'est qu'il n'y a vu que du feu. Autant le dire tout de suite, cette affaire a été longtemps étouffée pour des raisons facilement compréhensibles. Et dans les années 70, un livre qui relatait en détail la faute de l'ambassadeur De Gaulle a même été censuré par son éditeur pour sa version française. Monsieur X, vous l'avez compris, a donc choisi de me parler cette semaine de ce dossier. Pourquoi ? Parce que derrière cette affaire De Gaulle, il y avait une fantastique entreprise de pénétration mise en place par le KGB, entreprise qui a redoublé lors de l'arrivée au pouvoir du général de Gaulle. En effet, incontestablement, Moscou a vu d'un bon œil l'homme du 18 juin prendre les rênes en 1958. Pour les soviétiques, il y avait là la possibilité d'enfoncer un coin dans le camp occidental. Il n'avait pas tort puisque de Gaulle choisira spectaculairement de quitter l'OTAN. Quelle forme a prise cette tentative de pénétration ? On se souvient d'abord que le pouvoir gaulliste a encouragé, sinon favorisé, les relations franco-soviétiques. Pour de Gaulle, qui n'a jamais tenu compte des données idéologiques, c'était avec la Russie, traditionnelle alliée de la France, qu'il fallait amorcer ce réchauffement. Et en 1960, ce rapprochement a abouti au voyage quasi triomphal que Khrouchtchev a effectué dans notre pays pendant une semaine entière. Mais il ne s'agissait alors que d'améliorer nos rapports diplomatiques et économiques. Et pour être tout à fait juste, il faut aussi ajouter que De Gaulle a été un allié loyal et déterminé pour les Américains, en particulier lors du conflit des fusées de Cuba. Non, la vraie pénétration a eu lieu à un autre niveau. Et avant d'en venir au récit de M. X, je voudrais vous citer ces quelques lignes de Constantin Melnik. Melnik qui a été, comme vous le savez certainement, conseiller du Premier ministre Michel Debré pour les affaires de sécurité. Il écrit « Le gaullisme, plus que tout autre mouvement, pullulait d'agents d'influence de l'agréable KGB, dont nous ne sommes jamais parvenus à débarrasser De Gaulle. Ces braves gens n'ont pas dû, bien qu'on ne puisse en apporter la preuve, rester inactifs. » Et l'on prétendra même, après les révélations d'un transfuge soviétique aux États-Unis, qu'un proche, très proche, du général De Gaulle, était en réalité un agent de Moscou. C'est l'affaire Topaz. Des noms ont été prononcés, mais l'homme, s'il a vraiment existé, n'a jamais été démasqué. Dans un instant, donc, ce nouvel entretien avec M. X consacré à la pénétration soviétique en France dans les années 60 et au dossier de l'ambassadeur De Gaulle. After midnight, out in the moonlight, just just like we used to do. I'm always walking after midnight, searching for you. I walk for miles along the highway. Well, that's just my way of saying I love you. I'm always walking after midnight, searching for you. I stop to see a weeping willow, crying on his pillow. Maybe he's crying for me. And as the skies turn gloomy, that wind whispers to me, I'm lonesome as I can be. I go out walking after midnight, out in the starlight, just hoping you may be somewhere a-walking after midnight, searching for me. France Inter, Patrick Penaud, rendez-vous avec X. Bon, une question d'abord, avant d'évoquer précisément l'affaire de Jean. Oui. En Angleterre, aux États-Unis, en Allemagne, des réseaux soviétiques considérables ont été démantelés au cours des années 60. C'est vrai, oui. Hein? Bon, en France, non. Alors pourquoi, à votre avis, est-ce qu'il n'y avait pas de réseau? Effectivement, c'est un point assez curieux. Le KGB s'intéressait autant à notre pays qu'à ceux que vous venez de mentionner. Bah, c'est évident. Donc, s'il y avait des espions soviétiques importants en France... Naturellement. Mais, donc, on ne les a pas découverts. À moins, attendez, ça c'est autre chose, à moins qu'on n'ait pas voulu les découvrir. Moi, je serais personnellement tenté par votre deuxième affirmation. Ça me paraît assez grave. Alors, pourquoi? Bah, écoutez, la France a traditionnellement entretenu de très bons rapports avec la Russie. Ouais, ça voudrait dire qu'on... On n'a pas voulu, on n'aurait pas voulu ternir ces bonnes relations en arrêtant leurs espions. Il y a un petit peu de ça, oui. Puis je vous rappelle que c'est Mitterrand le premier qui frappera un grand coup en organisant un charter de pseudo-diplomates soviétiques. Mais ça, c'est dans les années 80. Oui. Après l'affaire Farwell que vous m'avez racontée, hein, si je me souviens bien. C'est exact, mais pendant des années, à l'exception de quelques types qu'on a pincés ça et là, on n'a jamais mis en lumière officiellement, en tout cas, l'existence de véritables réseaux. D'ailleurs, dans l'affaire de Jean, on n'a pas crié sur les toits que l'ambassadeur de France à Moscou avait été compromis. Bien au contraire, on s'est soigneusement tu. Et pourquoi? Pour quelle raison? Oh, la peur du ridicule d'abord, et puis ensuite, je le répète, on ne voulait vraiment pas fâcher les soviétiques en faisant un esclandre. La meilleure preuve, c'est que Maurice Dejean, s'il a vu sa brillante carrière diplomatique terminée d'un seul coup, n'a subi aucune autre sanction. Bon, d'accord. Mais, alors, selon vos sources, hein, vos sources privilégiées, là, comment ça a commencé, cette affaire Dejean? Si vous le permettez, auparavant, je voudrais quand même faire une parenthèse. Puis tant pis si elle empiète un petit peu sur la chronologie. En juillet 1962, l'attaché militaire français à Moscou se suicide. Et vous imaginez bien que ça fait du bruit. Du bruit, bon, dans le milieu des services de renseignement que vous fréquentiez assidûment à l'époque, c'est naturellement. Ça hein. Alors on cherche, on enquête, et rapidement, on trouve. Ah, racontez. Eh bien, ce militaire, le lieutenant-colonel, j'ai inutile de dire son nom, avait rencontré 5 ans plus tôt une étudiante russe, plutôt mignonne, une certaine Ada. Dans quelles conditions? Au cours d'un voyage en train à Vladivostok. Le transsibérien. Oui. 10 jours de voyage dans le même compartiment, 10 jours et 10 nuits. Avouez qu'il aurait fallu être moine pour ne pas succomber encore. Oui, admettons. Enfin, donc le lieutenant-colonel et la jeune Ada. Eh oui. Et j'imagine que la petite étudiante n'était pas tout à fait aussi innocente et amoureuse qu'elle le paraissait. Bien entendu, c'était une créature du KGB. Et en cédant aux avances du français, elle accomplissait une mission. Ouais. Oui, mais attendez. À l'époque, tout le monde savait qu'il fallait se méfier, surtout enfin, quand on occupe un poste aussi exposé. Je sais, mais enfin, que voulez-vous, les faiblesses sont humaines, par nature. Donc cet officier se fait coincer. Hein, et les soviétiques vont classiquement le faire chanter, enfin, c'est ce que j'imagine, hein, parce qu'il doit être marié, ce militaire. Eh oui, il l'est. Donc vous avez raison, les types du KGB mettent une vraie souricière en place. Parce qu'à Moscou, naturellement, ils étaient très très organisés. Et puis les hirondelles, comme on appelait ces jolies collaboratrices. Ouais. Les collaboratrices du KGB, bien sûr, disposaient d'appartements qui permettaient de prendre des prises de vue d'un réalisme incontestable. Porno, quoi. Absolument, mais enfin, pas de chance pour les sbires du KGB. Le lieutenant-colonel est soudain rappelé à Paris. Donc, il est rappelé avant que le chantage ne commence. Oui. Ouais. Donc, si je puis dire, là, le KGB avait investi pour rien. Exactement, mais 2 ou 3 ans plus tard, nouveau retournement de situation. L'officier français revient à Moscou. Et la belle Ada, c'est ça? La belle Ada se rappelle à son bon souvenir. Évidemment. Et c'est l'amour. L'amour fou pour le lieutenant-colonel, en tout cas. Mais patatras, l'épouse de l'attaché militaire et ses 2 enfants arrivent à Moscou pour les vacances. G, qui est un type droit, avoue à sa femme qu'il a eu une liaison avec une soviétique. Et réaction de l'épouse? Elle retourne à Paris? Non. Elle demande à son époux de rompre avec sa maîtresse. Et vous l'appelez la G, là? Il accepte. Non, parce qu'il prétend que c'est impossible. Il est moralement engagé, il ne peut pas abandonner Ada comme ça. Ouais, enfin bon, soyons précis hein, quand même. Est-il sincère ou... Moi je crois, il était plutôt complètement piégé par le KGB. Écoutez, honnêtement, je ne sais pas. En tout cas, la vérité, c'est que le lieutenant-colonel ne peut plus supporter cette situation et il finit par se suicider. Ah oui, suicider. Mais ce qui laisserait quand même croire qu'il était, lui, complètement à les mains du KGB. Et qu'il a voulu, en quelque sorte, échapper au déshonneur. Ça paraît, en effet, vraisemblable. Mais l'enquête menée par les services n'a pas permis de l'établir. Vos services? Oui, oui, n'a pas permis de l'établir d'une façon formelle. En revanche, ce qu'on a pu mettre en évidence à cette occasion, c'est que notre ambassade à Moscou était une cible de premier choix pour les soviétiques, et cela depuis fort longtemps. Bon, on va essayer de comprendre pour quelle raison, c'est pas compliqué. Bien, les soviétiques devaient considérer que la France était en quelque sorte le maillon faible de l'Europe. Le maillon faible. Oui, celui qui finirait par rompre le premier et entraîner ensuite tous les autres. Sans doute en raison de l'exceptionnelle influence du Parti communiste chez nous. Donc Moscou avait décidé de viser d'abord la France. Et ça, donc, ce que vous dites, ça va déboucher sur l'affaire de Jean. Exactement. Une affaire qui a été menée de main de maître et qui a été préparée avec une précision inouïe. Mais dites-moi, Qui prend ce genre, en Union soviétique, hein, qui prend ce genre de décision? Tenter de compromettre l'ambassadeur de France, c'est pas rien quand même. Hein. Vous avez répondu vous-même à la question. Ces initiatives, effectivement, sont prises au plus haut niveau, et dans le cas de Dejean, c'est ce bon Monsieur K. Monsieur K, Khrouchtchev? Lui-même, celui qui viendra 3 ou 4 ans plus tard trinquer avec le chanoine Kir. Oui, celui qui a ordonné au KGB de piéger Maurice Dejean, c'est vous dire que l'affaire était d'importance. Boules de cuir tournent dans la lumière de ton œil électrique. Box, box, au DS de pierre. 4 boules de cuir, mes poings contre les siens. Moi le jeune puncher. Box, box, lui le vieux Kid Marin. Kid Marin c'est un grand, et Dieu sait que je l'aime. Mais ses gants et mes gants ne pensent pas de même. OTS de pierre, pour atteindre ton cœur, il n'est qu'une manière. Box, box, box, il faut être vainqueur. 4 boules de cuir sur 4 pieds de guerre bombardent le plexus. Box, box, l'angle du maxillaire. 4 boules de cuir dans la cage du ring, son crochet je l'encaisse. Box, il esquive mon swing. Kid Marin, j'en ai marre de notre réunion. Je vais te faire voir qu'il est de les champions. Box, 4 boules de cuir et soudain de qui roulent, répandant leur châtaigne dans le cri de la foule. La joue sur le tapis, j'aperçois les chaussettes de l'arbitre là-haut. 4, 5, 6, 7, box. Enfant, je m'endormais sur des chaos de rêve, et c'est moi qu'on soutient, et c'est moi qu'on soulève. Et voici les vestiaires, on débande mes mains, Kid Marin vient me voir, ça ira mieux demain. Ô déesse de pierre, je prendrai ma revanche, et j'aurai ton sourire, boxe. Comme une maison blanche. Oui, j'aurai ton sourire, point final de mes poings. Même si dans les coins, box, box, j'y vois encore luire. 4 boules de cuir, 4 boules de cuir. Box, box. En commençant cette nouvelle émission, je vous ai parlé d'un livre qui avait été en partie censuré en France. Ce livre de John Barron, intitulé « Le travail secret des agents soviétiques », raconte avec beaucoup de détails l'opération de Jean, je cite Barron. Plus de 100 officiers agents du KGB, dont d'éminents intellectuels et d'élégantes prostituées, ont participé à ce complot qui entraîna un véritable siège de toute l'ambassade de France et causa la mort d'un honorable Français. Barron évoque là le lieutenant-colonel dont a parlé M. X. Il me faut ajouter que cette technique du KGB visant à utiliser des jolies filles pour compromettre les diplomates a été fréquemment mise en œuvre. Dans un article de la revue L'Histoire, Christopher Andrew, professeur d'histoire à Cambridge, révèle que le premier directeur de la CIA à Moscou, Edward Ellis Smith, est lui-même tombé dans les bras d'une employée qui travaillait pour le KGB. Et il affirme que la manœuvre s'est répétée avec un nombre impressionnant de diplomates occidentaux. Parmi eux, donc, Maurice Dejean, l'ambassadeur de France à Moscou, sur l'ordre de Khrouchtchev en personne. Dejean était depuis longtemps dans le collimateur du KGB. Et pourquoi lui, on sait pourquoi? Oui, oui, c'est pas très difficile à comprendre à cause de ses fonctions. D'abord, dès 1941, Dejean, qui a derrière lui une belle carrière de diplomate, est directeur des affaires politiques de la France libre à Londres. Il choisit le bon camp, lui. Ouais. Ouais. Ensuite, il va aller de promotion en promotion jusqu'à sa nomination à Moscou au milieu des années 50. En outre, il est resté proche du général de Gaulle. Et le retour du général n'est pas improbable. Donc, Le KGB le surveille. Oui, comme il surveille toutes les personnalités d'envergure. Mais il y a une autre raison aussi. De Jean passe pour être pro-soviétique. Il est communiste ? Je n'ai pas dit ça, j'ai dit pro-soviétique. C'est-à-dire qu'il a des sympathies pour l'URSS, mais pas plus. Mais c'était assez à la mode dans ces années-là. Mais alors, s'il est pro-communiste, pourquoi essayer de le compromettre ? Je ne sais pas, moi, on aurait pu au contraire se contenter d'encourager ses sympathies. Ce n'était pas suffisant. L'objectif du KGB, c'était bien d'en faire un véritable agent. Attendez, un agent, un espion ou un agent d'influence ? Vous appelez ça comme vous voudrez. Oui. Alors comment, d'après vous, le KGB procède ? Dès que deux gens arrivent à Moscou, on le met, lui et sa femme, sous une surveillance permanente. Et croyez-moi, les soviétiques savaient y faire. Et concrètement, ça se passe comment ? D'abord, on place auprès du couple des collaborateurs dévoués. Le chauffeur de M. Dejean est un type du KGB. Mmh. Et la femme de chambre de Mme Dejean appartient aussi à la centrale soviétique. Ce n'est pas suffisant. On place aussi des micros un petit peu partout. Et jusque dans la chambre à coucher des Dejean. Ça, c'est... Enfin bon. Et le but ? Connaître tout du couple. Et de ses éventuelles, faiblesses ? Voilà. Et le KGB découvre quelque chose ? Oui. Il apparaît clairement que l'ambassadeur, qui a une bonne cinquantaine... un petit peu chatouillé par le démon de midi. Ça, c'est pas très original. Peut-être, mais enfin, c'est quand même intéressant. Et le KGB va utiliser habilement l'information. La cheville ouvrière de l'opération va être un spécialiste, un certain Krotkov. Mmh. Qui c'est, celui-là ? Officiellement, il est dramaturge et scénariste. Ah, un intellectuel, c'est oui, ça. Oui. Ouais. Enfin, disons, un type très introduit dans les cercles littéraires. C'est, par exemple, un ami des Pasternak. Quand même. Qui fréquente aussi beaucoup, en raison de sa profession, le monde du théâtre et du cinéma. Vous voyez, je veux en dire. Les actrices ? Par exemple, oui, les actrices. Le travail officieux de Krotkov, c'est de recruter des comédiennes pas trop farouches. Pour le KGB, non ? Naturellement. Alors, soyons clairs, là, votre... Krotkov, au fond, c'est une sorte de proxénète, non ? On peut voir les choses comme ça, mais attention, c'est un type qui porte beau, qui est cultivé, charmeur. Il n'empêche, hein. D'accord. Alors, comment ça se passe avec Dejean, l'ambassadeur de France, je rappelle, hein ? Curieusement. Curieusement, je vous écoute. Là. Bien, la première cible, ce n'est pas l'ambassadeur, mais la femme de l'ambassadeur. Parce qu'on va essayer de la séduire. En quelque sorte, oui. Écoutez, je vais être franc, je ne sais pas si Madame Dejean a succombé ou pas, hein, peu importe. Ce qui compte, c'est que Krotkov, très habilement, s'est introduit dans son entourage. Et il n'était pas seul. Avec lui, il y avait un garçon qui était une vedette à l'époque, un nommé Orlov, un chanteur. Orlov, comme le favori de la Grande Catherine ? Oui, oui, il y a des noms qui doivent être prédestinés. Et lui aussi, à votre avis, c'était un agent du KGB ? Un agent occasionnel, oui. Célèbre, très beau, très séduisant. Il avait pour mission de séduire les étrangères. Il paraît que son tableau de chasse était particulièrement bien rempli. Ah oui. Enfin, je vous le répète, je ne sais pas s'il s'est passé quelque chose entre Orlov et l'épouse de l'ambassadeur. L'important, c'était que Krotkov parvienne à approcher Dejean. Et c'est ce qui va se passer, effectivement ? Bien entendu. Madame Dejean, qui ne tarit pas d'éloges sur ses nouveaux amis, finit par les inviter à une réception à l'ambassade et les présente à son époux. Donc, si je vous ai bien entendu, là, le piège est en place. Oui, oui, mais les gens du KGB ne précipitent pas les choses. Ils avancent petit à petit. Et là, un nouveau personnage va faire son apparition. Un certain Gorbounov. Et il sort d'où, celui-là ? C'est un dirigeant très important du KGB. Gorbounov n'est pas son vrai nom, bien sûr. En fait, il s'appelle Gribanov. Et il est lieutenant général. Ouais, mais je vois toujours pas ce qu'il vient faire de cette affaire. Vous allez voir, c'est très subtil. Le pseudo Gorbounov se fabrique une fonction prestigieuse. Membre du Conseil des ministres. Et il se fait présenter en tant que tel à Dejean. Mais quand vous dites qu'il se fabrique... Le KGB est tout puissant, rien ne lui est impossible. Et la façade de Gorbounov est impeccable. Très vite, les deux hommes deviennent amis, on se reçoit, on va à la chasse ou au spectacle ensemble. C'est à ce moment-là que le piège va se refermer sur Dejean et que Krotkov va donner la mesure de son talent. Krotkov et ses belles protégées, bien sûr. Mieux que ta bouche, mieux que tes lèvres, tes omoplates, tes yeux. Mieux que ton coude à ma fenêtre, non, Dieu n'a pas trouvé mieux. Mieux que l'agneau, que la belette, ou que tes poignets gracieux. que le sillage d'une herse. Non, Dieu n'a pas trouvé mieux. Mieux qu'une brume qui se lève, mieux que le renard peureux, mieux que le fruit, mieux que son zeste, que de passer aux aveux. Mieux que le goût de la noisette, mieux que de rêver à deux. Que tes lettres à l'encre violette, non, Dieu n'a pas trouvé mieux. Des cieux, mieux que le timon, que la rêve de l'imbécile heureux, que toi pour me laisser en reste, non, Dieu n'a pas trouvé mieux. Dans le livre de John Bowne que j'ai déjà cité et qui est partiellement reproduit dans l'ouvrage de Thierry Volton, Le KGB en France, j'ai trouvé des détails intéressants sur ce Krotkov. Grâce à son père qui était peintre, il avait bien connu Beria lorsque celui-ci était le responsable du Parti communiste de Géorgie. Une protection qui ne lui fera jamais défaut et qui va l'entraîner peu à peu à devenir un agent contractuel du KGB, lorsque Beria prendra en main la centrale soviétique, qui s'appelait encore le NKVD. Krotkov, l'intellectuel, fréquentait assidûment les milieux étrangers de Moscou, où il était très apprécié. C'était donc une recrue de choix pour le NKVD. D'autre part, Krotkov, M. X nous l'a dit, avait professionnellement des contacts avec les actrices, et l'une de ses fonctions consistait à présenter ses filles à ses amis étrangers. Je cite Bowne. Le NKVD les stimulait en leur promettant de meilleurs rôles, de l'argent, des habits ou encore un peu de liberté d'amusement, toutes choses normalement absentes de la vie soviétique. Ces recrues étaient surnommées les hirondelles. Pendant la durée d'une opération, elles étaient autorisées à utiliser des nids d'hirondelles, c'est-à-dire deux studios adjacents. Dans l'un, la fille séduisait l'étranger qu'elle devait compromettre, dans l'autre, les techniciens du service de renseignement, filmait et enregistrait le tout. Un jour, l'ami Gorbounov propose à Dejean de lui organiser une projection de cinéma à l'issue de laquelle il pourra lui présenter des personnalités du monde du spectacle. Et l'ambassadeur Dejean saute sur l'occasion. Bien sûr, ouais. Et Madame Dejean encore plus. D'ailleurs, qui s'occupera de dresser la liste des invités? Son excellent ami Krotkov, qui connaît tout ce qui compte à Moscou. Mmh. Et alors, cette soirée-là, ça se passe comment? Parfaitement. Krotkov a choisi d'asseoir à côté de l'ambassadeur une vraie beauté, une certaine Lydia. Ah, tiens, encore une. Et Dejean est ferré. Oui, oui. Et dès le premier regard de la belle Lydia, il est sous le charme. Bon, je vous passe les détails. Mais les réceptions succèdent au dîner. Lydia est toujours là, resplendissante. Et l'ambassadeur n'y tient plus. Alors, le KGB se débrouille pour occuper Madame Dejean et l'envoyer en voyage de tourisme avec ses chers amis Krotkov et Orlov. Et un après-midi, l'affaire est conclue. De Jean raccompagne Lydia chez elle. Ah, succès total. Oui, oui, mais enfin, ce n'est pas encore assez. Attendez, je comprends pas, là. Gorbounov passe à la deuxième partie de son plan, car il veut tenir De Jean, le tenir de la façon la plus étroite possible. Il faut dire que c'est de plus en plus urgent. Et pourquoi ? Mais parce qu'on est en 1958, et qu'à Paris, De Gaulle vient de revenir au pouvoir. Or, De Jean est l'un des proches du général. Avoir barre sur lui, c'est essentiel, vous comprenez ? D'autant que derrière, il y a un espoir formidable pour les soviétiques. Un espoir qui justifie les plans les plus cyniques et les plus machiavéliques. Attendez, racontez-moi ça. Bon, un petit peu de patience. Donc, Gorbounov, si j'ose dire, va passer à la vitesse supérieure. D'abord, il donne l'ordre à Lydia de disparaître de la circulation. Vous imaginez le désarroi de notre ambassadeur. À peu près, l'ambassadeur amoureux. Hein. Mais pourquoi, pourquoi cette disparition de la scène de Lydia ? Gorbounov veut laisser mariner De Jean quelque temps. Mariner. Ouais, et enfin, il s'arrange pour lui présenter une nouvelle hirondelle. Une certaine Larissa, qu'on appelle familièrement Laura. Et ça c'est encore une actrice de l'écurie Krotkov. Bien sûr. Et Laura, à votre avis, Laura succède comme ça à Lydia dans le cœur de l'ambassadeur ? Assez rapidement, mais attention, il y a une différence de taille entre les deux femmes. L'une, Lydia, était célibataire, tandis que Laura, elle, est mariée. Ah. Et son époux, un géologue, est particulièrement jaloux. Heureusement, il fait de fréquents et longs séjours professionnels en Sibérie. Oui, ça me paraît assez pratique. Et qu'y a-t-il de vrai là-dessous ? Rien, naturellement. Laura n'a jamais été mariée. Bon, pourquoi alors avoir inventé tous ces mensonges ? Parce que Gorbounov prépare à l'intention de son bon ami De Jean une scène de vaudeville particulièrement gratinée. Attendez, le retour du faux mari ? Bien sûr, vous avez deviné. Ouais. Et voilà comment ça se passe. Un jour, l'ambassadeur de France est en train de roucouler avec Laura dans l'appartement de cette dernière. Roucouler ? Ouais, bon, ouais. Bref, passons. Et soudain, le mari débarque. Alors, c'est un méchant, c'est une vraie brute. Et il cogne. Oui. Ouais. Et puis, pour donner plus de véracité à la scène, après avoir sévèrement corrigé De Jean, il s'occupe aussi de Laura qu'il frappe sans ménagement. Bon, ça me paraît simple, ce type est un type du KGB, c'est ça, hein ? Oui, et puis un homme de main très bien entraîné. Alors, situation délicate, que se passe-t-il ? Eh bien, le mari outragé menace de provoquer un scandale et de porter plainte. Et De Jean a non seulement été corrigé, mais il risque maintenant de voir sa carrière compromise si l'affaire devient publique. Conclusion, il va voir le seul homme à qui il puisse raconter l'affaire, son ami Gorbounov, qui occupe de si hautes fonctions au sein du pouvoir soviétique. Bien sûr, il lui demande d'arranger les choses. Très juste. Et vous imaginez bien que Gorbounov se fait un malin plaisir d'obliger son ami. Rassurez-vous, De Jean, je vais mettre à la raison ce mari jaloux, j'en fais mon affaire. Vous jouez bien le rôle, oui. Donc, à partir de ce moment, De Jean n'a plus rien à refuser à Gorbounov. Vous avez compris, oui. L'ambassadeur de France est désormais pieds et poings liés. C'était un succès sur toute la ligne pour le KGB. Mais est-ce qu'on a une idée des conséquences de cette compromission de vous, De Jean ? Vous voulez dire, est-ce que De Jean a trahi ? Bah oui. Bah, c'est pas du tout ce qu'on attendait de lui. Alors, je comprends pas là, pourquoi autant d'efforts ? Mais parce que je voulais laisser entendre. Le KGB nourrissait de plus grands espoirs. Quels espoirs ? Bien, les Soviétiques pensaient que Maurice De Jean, en raison de ses relations privilégiées avec le général de Gaulle, avait de très grandes chances de devenir un jour son ministre des Affaires étrangères. Et il ne voulait pas activer De Jean avant. Parce qu'il craignait... L'activer avant, ça... Il craignait de le rendre suspect. Exactement. Mmh. Bon, il faut reconnaître que le jeu en valait la chandelle, non ? Tenir le ministre français des Affaires étrangères, c'était quand même autrement plus intéressant que manipuler un ambassadeur. Oui, mais à ma connaissance, De Jean n'a jamais été ministre. Non, hein. Non. D'abord, je ne sais pas si De Gaulle a vraiment imaginé un jour en faire un ministre des Affaires étrangères. Et puis ensuite, il y a eu la défection de Krotkov. Krotkov, le proxénète des belles actrices. Oui, oui, oui. Un jour, peu de temps après d'ailleurs le suicide de ce lieutenant-colonel dont je vous parlais au début de cet entretien, Krotkov a craqué. Des romans ? Oui, que voulez-vous ? Même les proxénètes peuvent avoir de la morale, après tout. Ouais. Bon, enfin, dégoûté, il a profité d'un voyage en Occident pour choisir la liberté, comme on disait à l'époque. Et tout de suite, il s'est confié. Et à qui il s'est confié ? Ben, à nos amis, les Anglais. Et ce qu'il a raconté a paru tellement énorme que les gars de l'intelligence service ont immédiatement alerté leurs collègues français, pour une fois. Mmh. Oui, mais enfin, ça n'a pas dû tout à fait surprendre ceci, puisque vous m'avez dit... Hein, qu'après le suicide à Moscou du lieutenant-colonel, nos services de renseignement avaient pu établir que l'ambassade française était un objectif prioritaire pour le KGB. D'accord, mais apprendre que l'ambassadeur en personne est compromis, ça fait quand même une sacrée différence. Mais, attendez, vous avez quand même dit que l'affaire avait été étouffée, c'est bien ça, hein ? Oui, mais deux gens, dès qu'on a eu la certitude que le transfuge Krotkov disait bien la vérité, a été aussitôt rappelé à Paris. Je vous prie de croire qu'on l'a sérieusement cuisiné. Sérieusement ? Et il a parlé ? Il a tout déballé. Il faut dire que monsieur l'ambassadeur n'était pas très fier. Se faire pincer comme ça par une jolie fille, n'est-ce pas ? Oui, je comprends, mais... Vous avez dit précédemment qu'il n'avait pas trahi. Bon, c'est au cours de cet interrogatoire très, très spécial que vous en avez acquis la certitude. Mais qu'est-ce qui vous fait croire que j'ai assisté à ces interrogatoires ? Je ne sais pas, une idée comme ça leur répondait. Eh bien oui, deux gens avaient couché, comme lui a reproché plus tard le général. Mais il n'avait pas trahi. On a pu l'établir formellement en interrogeant aussi son entourage et ses collègues de l'ambassade. Et s'il n'a pas trahi, c'est peut-être parce qu'il n'en avait pas eu le temps, non ? Ou que les soviétiques ne lui avaient pas encore demandé de trahir. Écoutez, je vous laisse la responsabilité de ce propos. Pour ma part, je n'ajouterai rien. Maurice Dejean n'a jamais parlé de sa mésaventure moscovite. Mais étrangement, il ne semble pas en avoir voulu aux soviétiques. En effet, d'après Thierry Volton, que j'ai cité tout à l'heure, peu après son rappel en France, il a accepté la présidence de l'association France-Source. Mieux, il a été nommé PDG d'une petite entreprise d'horlogerie créée avec des capitaux soviétiques. Ce qui semblerait prouver que ses rapports avec l'Est étaient peut-être plus étroit encore que ne l'affirmait M. X. Un mot encore. Lorsque Dejean est mort en 1982, le journal Le Monde a publié une notice nécrologique dont j'extrais ces quelques lignes. En décembre 1955, Dejean est nommé ambassadeur à Moscou. Un poste qu'il occupera pendant 8 ans au point de devenir au début de 1964 doyen du corps diplomatique dans la capitale soviétique. Le général de Gaulle dut cependant le rappeler à cette date, à la suite des révélations d'un transfuge du KGB relatant des aventures sentimentales compromettantes pour l'ambassadeur. C'est à ma connaissance la première fois que la presse française a fait allusion à cette affaire, presque 20 ans après les faits. À samedi prochain pour un nouveau rendez-vous avec M. X.